Santarém e Leiria, 11 em Porto Alegre, Castelo Branco e também em Braga, 10 em Viseu. Se estiver pelo Porto, Lisboa, Setúbal, Aveiro, Coimbra, Évora e Beja, as temperaturas vão chegar aos 13 graus. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Arc-en-ciel 96.2, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, votre émission Groove Tropical, 18h-20h, c'est le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Et on commence quand même bien cette émission, hein, quand même, avec le groupe Hors Pair, un groupe qui s'est ouvert, là, qui s'est fait découvrir cette année, durant l'année 2025. 2025, une grande année avec plein de succès. On en écoutera tout à l'heure. On fera un petit, une petite playlist comme ça pour les souvenirs de cette année qui va s'achever très très bientôt. Allez, tiens, la bande Hors Pair, là, figurez-vous qu'il y a Monsieur Jean-Marc Ferdinand, qu'on retrouve tout de suite avec ce titre. L'ambiance du jeudi. 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Nous c'est ça, mais... c'est parti comme des contrats dans l'amour qui rend moins traumatisé. Tropical sur le 96.2, une nouveauté, le jeune homme, vous le connaissez bien, c'est Robert Martino. Bien sûr, le groupe T-Vax avec ce titre en solo interprété en duo avec Fatima Altieri. Sur le 96.2, je vous ai promis un peu de choses, hein. Ce sera du compas, ce sera du zouk. En tout cas, de la bonne humeur et beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil. Du compas Guyane, je sais que vous aimez beaucoup ça. Tiens, j'ai un petit truc pour vous, là. Je pense pas qu'on l'ait ailleurs. Non, non, c'est juste sur Arc-en-Ciel. 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical. C'est Chantal qui les accompagne. vraiment wow. J'attends de millions de belles visages en prophète. Oh yes, God bless. Millions de belles visages en prophète. Oh yes, God bless. Fini bon ça, ah, ah. Fini bon ça, ah, ah, ah, ah. Fini bon ça, ah, ah. Fini bon ça, ah, ah, ah, ah. Ça, ça va faire bulle comme mouette. Le voix moi dit c'est la Noël. On vient à foutre qu'on bat tout seul. Et dit mais c'est gay, pas tout seul. On vient dire qu'on s'entraîne qu'on l'aide. On peut j'en nous paie pas qu'on l'aide. Arc-en-ciel 96.2, le titre a fait le tour de la Terre. C'était Chris, bien sûr, Goldplay. Et c'était en 2025. Ah. C'était pas vraiment ce que je voulais faire. C'est pas grave, c'est beau quand même. son kapè djup sou yo Sa pa la man anko Tropical 18h-20h, des fois on dit faut pas aller plus vite que la musique. Mais alors là, j'ai pas pu gérer là. C'est pas grave, c'était trop beau. Bon, j'espère que vous avez mis le son à fond. Hein. Groupe Tropical 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Chalet, chalet, elle est en colère tout contre moi. c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Dix fois les belles douves un jour. La lune a dit les souffles en plaisir toujours. Quand qu'ils ont fini de chanter, l'hier l'hime, mon noyau, c'est toi qui quitte le ciel à toute journée. Ou quand ils ont tenté la Bible là. Et l'amour a clarifié. Oh oh ah ah. Fuck'em, fuck'em, fuck'em. Ça fait mal. La personne n'est pas ta compagne. C'est tout le monde qui se fait. Je suis abonné. C'est un tel. Yo, papa, je suis pas ta compagne. C'est tout le monde qui se fait. C'est pas ta la commence. Comme on a pris Colette de Brahim. La nuit c'est couru, couru, là le caché. Moune sous la terre, ouais, tout fout, c'est là. Tu crèves et bon, j'ai qu'à fourrer, j'ai gardé. Des poules ou figé, des poules ou figé. Pas qu'à pas gardé, pas qu'à pas gardé. Des poules ou figé, des poules ou figé. Pas qu'à pas gardé, pas qu'à pas gardé. Si des poules ou figé, des poules ou figé. Pas qu'à pas gardé, pas qu'à pas gardé. Des poules ou figé, des poules ou figé. Pas qu'à pas gardé, pas qu'à pas gardé. Le monde a pris, on l'a débraillé. La nuit c'est couru, couru, là le caché. Tout fonctionne là. Yo qui est béga de la capole, j'ai gardé. Des poules ou bouger. Des poules ou bouger. Ou pas gardé. Des poules ou bouger. Des poules ou bouger. J'ai gardé. Maria gagne gardé. Maria gagne gardé. Sa gardé ou ligue. Gaïa. Gaïa. Des j'ai tout moun en l'air. C'est tout moun qui s'y va. Ma j'ai chouché. C'est un pas qu'à comprendre. C'est tout. quand c'est le métier de jazz là. Quand la lune rencontre soleil, et ben voilà, ça donne un superbe morceau interprété par Réginal Cangé. Allez, restez bien calés sur le 96.2 parce qu'on va continuer comme ça avec plein de bonnes choses, des vieux trucs, mais aussi des nouveautés comme celle-ci. C'est Mademoiselle Maven qui nous chante Tu me mens. Ah, belle histoire. Si elle veut. Elle veut bien. 18h20, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. J'ai vu dans ton fiche, persiste à me dire que tout ira mieux. Je vois dans tes yeux que t'as du mal à me dire adieu. Tant à dire, tu demandes qu'à fuir. Tu me traites comme une martyre. Pour moi, il est temps de partir. Mon cœur est dans le flou, l'amour ça rend fou. Au début, c'est je t'aime tous les jours. Après, on voit couler la peine sur les jours. Maintenant, j'ai la flemme, je l'avoue. On s'est mérité tout seul. Plutôt que ou fais-moi en scène. J'aurais du mal à briser la chaîne. Tu te rappelles à quel point on s'aime. Et ça, tu me mens. J'ai du mal et tu me mens. Et malgré ça, tu me mens. Droit dans les yeux, tu me mens. Ah, et tu regardes ses formes et son visage. Dis-moi que je suis vraiment dans tes pensées. Mon cœur n'est plus ton paysage. Si ça continue toute seule, j'irai danser. Fatiguée de te répondre, que je prends tes mensonges, c'est bon, laisse-moi naviguer. Plus aucune de tes réponses finira par être acceptée. Mais en fumeur, t'es tout seul. Plutôt que de partager avec elle. Et même lorsque tu couches avec elle, tu te rappelles. Toujours

votre émission Groove Tropical, séquence Zouk Rétro avec Soumia dans les années 2000, je crois. En tout cas, on a beaucoup dansé sur ce titre temps pour temps. Sur le 96.2, justement, tiens, allez, on va laisser la place à Monsieur Sly. C'est ce soir ou jamais, carrément. Ne t'en va pas. Non, non. Pas trop envie. Je suis là jusqu'à 20h. Sans étoiles. Sangon pou toujou la. Se kon sa, C'est le genre de choses qu'on n'a pas envie qu'il s'arrête. Allez, il a fait le tour de la Terre pendant oh, ça fait presque 2 ans maintenant, je crois, que le morceau est sorti. Je suis sûre que vous allez reconnaître tout de suite. C'était le tube de l'année 2024 et 2025. Quatre copains. Tiens, j'en profite pour un petit clin d'œil à Frappe Noula, à la bande à Fifi. Crétin, y'a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de cachis. Pas de semblant, full baby dans 4matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les babies, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, baby. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, puis babe, c'est tout droit. La carte des plaques, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, puis babe, c'est tout droit. La carte des plaques, disons alléluia. Da, da, da. Baby, je l'ai tendu. Vini, pas tu me. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Sous sa campée dans la main. J'étais vengeant des mains. Le cap, il s'appuie les comptes.

Merci Philippe d'avoir éclairé ma lanterne sur le 96.2. Et tiens, on l'a fait l'annonce, on l'a fait correctement. Avec donc ce chanter Noël le samedi 20 décembre prochain avec le club Antillais du Loiret. C'est de 15h à 20h ici à la salle des Barons à Orléans. Enfin, la salle de la patinoire, on va dire. On en reparle tout à l'heure. En bas, what's un bagaille qui tout? En bas, what's un bagaille qui tout? Gardez l'état en bas, what? Mettez-moi, mes amis. En bas, wop, c'est un bagay qui dou. En bas, wop, c'est un bagay qui dou. Gardez les en bas, wop, mettez-moi, mes amis. En bas, wop. En bas, wop, c'est un bagay qui dou. En bas, wop, c'est un bagay qui dou. Gardez les en bas, wop, mettez-moi. Aïe, aïe, aïe. Wop, ma. En bas, wop, c'est un bagay qui dou. Mais c'est un bout de plein. En bas, wop, c'est un bagay qui dou. Gardez les en bas, wop, mettez-moi. Et en fait, son message, c'est un jeu de disparu. Pour aller au village, plus d'un pasteur couru. Ils vont droit à l'étable, chercher le nouveau né. À sa vue adorable, chacun s'est prosterné. Oh, maman, moi, pas là, papa, moi, pas là. Moi, je suis pas là. Je suis pas là. 96.2. La FM en couleur. C'est pas n'importe qui pour me river sous. Hey, mon feeling non, ou depuis son premier contact. Hey, hey, ou d'une bague même là, je souhaite ça pas leur habitude. Sylvanio, Sylvanio, calma, oh. Où est-il jeune sale, comme est au cas, oh. Yeah. changé. Nous sommes séparés. Comme était ensemble pour nous jouer des solutions. Pour réenflammer Zik fè zik è ou plèzi Ti dinè ou jò dè mwen De jèstè romodi Se nan yon mwen kouè Chéri ou konè trè biè Mwen se yon nèk de la vieille kòl Si jadè ou romè ou zè la Eske li tè bè kòm Mou repòjè li è Li tè, li tè, li tè Pou l'amour Kè mè lè talè Lè talè, lè talè Zik fè zik è ou plèzi Ti dinè ou jò dè mwen De jèstè romodi Se nan yon mwen kouè Chéri ou konè trè biè Mwen se yon nèk de la vieille kòl Si jadè ou romè ou zè la Eske li tè bè kòm Mou repòjè li è Li tè, li tè pou l'amour Kè mè lè talè Lè talè Solo C'est une bonne soirée quand même ce soir. Aïe aïe aïe. Très beau voyage. Allez, restez bien calés sur le 96.2 parce que l'ambiance continue comme ça. Là là là, ça, je suis sûr que vous allez chanter dans les chaumières avec ça. Écoutez ça. Alors, c'est pas jeune. Mon copain. Ah ouais, ça fait mal, ça pique ça. Goûte man yen dertilye an bonjou pran tje vini fou ta pwey te pli male pli kotje ki koupe la pe se sa y te kompran madame voisin misye dertilye beni an bel gochat caché lui eh oh oh oh eh chaque la habille un petit coulet vernis il s'est senti il a fait plaisir répertorié. Commencez en chanter. Chocolat, I like it. Moi mais ça, moi mais ça. Yeah. boy, it's my friend, my friend. To put it my friend. Stop the move and see leave stars in me. It was never you. Sorry to say, it only takes two. Matite, me prier, me prier. Sacrifier, me pardonner. Me bouger que tout le qui existait. Et tu te où là, c'est libre, me prier. Alors, me parlez sur mon temps. C'était Kai avec Mademoiselle Fatima qui rit un peu partout en ce moment. Elle, hein. En tout cas, beaucoup de succès, beaucoup de talent avec ce titre toxique. Et oui. Un petit bout de toi, c'est interprété par Nilka avec Jazzy K. Et puis, sur le 96.2, tout de suite après, oh là, pour tous les fanatiques du compas, un très très grand mot. Bon, je pense que vous y attendez pas. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. connecté à moi. Mon cœur se meurt sans toi. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Avec Johan, le titre Caline dans votre émission Groupe Tropical. Je vous ai promis une petite surprise. Bah, écoutez, si vous patientez quelques minutes, eh bien, elle va arriver. Il y en aura même deux, peut-être trois même, si on a le temps. Puisque je regarde l'heure un petit peu, le compte à rebours a commencé. Hein, il nous reste 6-7 minutes à passer ensemble. Mais je crois qu'à mon avis, vous allez pousser les chaises, les tables, les murs, tout, pour vous éclater. Allez, je vous laisse en compagnie de... Ah, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien à l'origine. Mais là, c'est un remix. Non, c'est pas un remix, c'est une reprise. Une reprise de Sweet Mickey. Écoutez ça. Un petit hommage à Harley Larrière. Allez, 18h20, votre émission Groupe Tropical. avez prévenu. Bon, pas facile de résister. En tout cas, sur le 96.2, bah, c'était Sweet Mickey, hommage à Rue La Rivière, ou ce qu'on pas. En live. Allez, restez bien calés sur le 96.2, parce qu'on va continuer comme ça jusqu'à 20h. Eh ben oui, avec Créola, tiens. Arc-en-Ciel 96.2, ben, il est presque 20h hein, sur la scène tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, même soleil. Avant de se quitter, je vous rappelle cette grande date du 20 décembre prochain avec le club Antillais du Loiret qui organise un champagne Noël de 15h à 20h à la salle du Baron pour une entrée gratuite. Et pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 06 56 72 43 50. Chantez Noël avec l'association Le Club Antillais du Loiret le samedi 20 décembre prochain. Allez, très très bon week-end à vous tous. À la semaine prochaine. Bye bye. FM en couleur. Quand tem que travar a marcha porque